Voilà, je t'ai fait la musique et tout, t'as vu? T'as vu? Français, Françaises, mes chers compatriotes. Aujourd'hui est un jour lambda comme tant d'autres. Et pourtant, les mouvements pacifiques dont vous êtes les principaux acteurs ont ouvert les yeux de notre gouvernement. Un gouvernement qui, rappelons-le, a pour première fonction de servir le pays. Et ce qui fait son pays, c'est avant tout le peuple. Grâce à vous, nous avons compris. Nous avons compris les Français. Grâce à vous, nous avons compris que les inégalités sont trop présentes, que, comme nous tous, vous souffrez. Alors je tenais à vous dire que nous allons changer. Nous allons mettre en place de nouvelles paperasses administratives barbantes, ayant pour but de vous dissuader de faire appel au système, de vous décourager pour que vous fassiez vos demandes d'asile. Car je me dois de vous décourager si je veux détruire les... Mais c'est pas possible. Car je me dois de vous décourager si je veux détruire les allocations chômage correctement. Mais les plus téméraires et courageux d'entre vous seront récompensés, car telle est la... philosophie de ma politique. Ces démarches seront bientôt disponibles à tous les partisans du parti unique français, à tous ceux qui méritent d'être égaux. Vive la République. Vive moi. Vive la République. Et vive moi.